Salut tout le monde et bienvenue sur la POC. Je vais gagner ton animateur. Et cette semaine, avec moi, non, Jerry n'est pas là. Sa première absence en 3 ans de show. Mais pour le remplacer, je peux aller chercher n'importe qui. Il crie le geek à volonté sur son podcast. Avec moi, Frank La Jeunesse. Allô? Comment est-ce qu'il va? Il va pas pire, il va pas pire. Il commence à faire chaud. Printemps arrive, dit aussi les séries. Hey, un petit casse. Hey, je suis le même. Moi, je suis le même. Moi, je capote ma vie, là, en ce moment, le printemps. Moi, fuck l'hiver, esti, à part écouter le hockey. Tu fais quoi? Rien! Tu fais du podcast. Ah oui, ouais, c'est ça, exactement. Moi, je passe mes hivers dans une grotte à dormir et à podcaster. Comme à l'habitude, je vais commencer avec le classement du Canadien de Montréal. Au moment d'enregistrer, nous sommes le 20 mars 2017 et le Canadien est toujours au premier rang de l'Atlantique avec 90 points. On devance les Sénateurs d'Ottawa avec ont 86 points et après ça, Boston à 82. Du côté de la métropolitaine, Washington, Columbus et Pittsburgh sont en tête de liste avec 100 et 99 points. Et les wildcards en ce moment dans l'Est, c'est les Rangers à 93 points et les Maple Leafs de Toronto avec 79. Une légère différence entre les deux. Dans l'Ouest, commençons par la centrale. Chicago, Minnesota, Saint-Louis sont en avant avec 99, 92 et 81 points. Dans la Pacifique, San Jose, Anaheim et Calgary, 91, 87 et 86 points. Et les wildcards, c'est Edmonton et Nashville avec 85 et 81 points respectivement. La semaine dernière, donc depuis le dernier enregistrement, le Canadien de Montréal a affronté mardi le 14, les Blackhawks de Chicago, défaite causée par Alexis Yemelin, chapeau bas le grand, défaite de 4 à 2. Ensuite, série aller-retour, samedi et dimanche soir contre les Sénateurs d'Ottawa, victoire de 4 à 3 en tir de barrage samedi soir et le lendemain, dimanche le 19, victoire écrasante et sans anicroche pour le tricolore, une victoire de 4 à 1. Donc, ça place un petit peu la situation pour le Canadien de Montréal. On est toujours en très, très bonne posture pour les playoffs. C'est pas garanti encore, mais ça serait, je pense que c'est 89% des chances là, de faire les playoffs avec 10 matchs à jouer. Là. Ils l'ont dit tantôt, 99,7, quelque chose comme ça, là, ou 80. Bref, il faut pas qu'il manque, là, ça serait ridicule qu'il manque. Ça serait vraiment ridicule. Faudrait qu'il perde tout. Qui perd tout, puis en plus combinaison, là, exemple que les Tampa Bay les gagnent toutes pendant que Montréal les perd. Ça serait vraiment compliqué. Régulier, puis en temps régulier aussi. Hein, c'est en plus. Premièrement, avant de commencer à parler de hockey, j'aimerais ça que tu te positionnes un petit peu pour les auditeurs. Où est-ce qu'ils peuvent t'entendre? C'est quoi ton background un petit peu? Question que, tu sais, on puisse te placer. Là. OK, ben moi c'est fort simple, je suis l'animateur des Dieu Geek, tu sais, un podcast qui essaie d'être sérieux mais qui l'est vraiment pas. On parle de l'actualité geek, on parle de sujets out of nowhere. Des fois ça déborde beaucoup, trop souvent même souvent. Mais tu sais c'est la page des Dieu Geek, c'est fort simple, tu marques ça. Si tu étais comme ici, si tu sais pas écrire, t'as un problème. Sur Google. C'est ah ça. Oui, Google. Sur Google. Ou sinon, iTunes, on est sur Podcaster. Toutes les affaires de la logiciel de podcast, puis nous downloader. On est sur YouTube aussi, on essaie de faire des trucs. On commence à grossir un petit peu plus. Sinon, bientôt, moi, j'ai d'autres projets qui s'en viennent. Je garde des secrets encore. Pas un podcast de hockey, on va te casser la gueule. Non, un talk show. Je vais faire un talk show. Avec des grosses chaises bleues, là, tu sais, puis avec du monde pas compétent, là. C'est ça que tu veux? Ouais, ben c'est rempli de monde pas compétent partout, là. C'est ça qui est le plus. Quand on est du podcast, il y en a partout. Faut juste que tu sois moins compétent que les autres pour qu'on te suit. C'est tout, là. Faut que tu sois différent, Star, là. T'as pas le choix. Mais non, il y a bien des choses qui s'en viennent, mais aussi je suis organisateur d'événements. Pour ceux qui ne savent pas encore, là, même si t'as pas de podcast, c'est pas grave, mais il y a une soirée qui s'en vient le 4 avril au Arcade Montréal, à Montréal, sur la rue Saint-Denis, qui est une soirée rencontre, réseautage du podcast québécois. J'ai mis ça sur pied avec Éric Hébert du Geek Collectif. Qu'on salue. Ouais, qu'on salue. Sûrement qu'il nous écoute en sirotant un bon verre lui aussi. Mon deuxième franco-ontarien préféré après ma femme. C'est quand même pas rien, là. Ah, c'est vrai, toi, t'es dans le coin des Outaouais, toi. Ouais, je suis à Gatineau, puis je suis marié qu'une franco, là. Tabarouette. Ouais, t'es marié? Marié, en plus. Non, mais il y en a une qui a vu le potentiel. Je sais pas ce qu'elle a vu, là, mais... À peu près de chance que quelqu'un d'autre le voie. Donc, on salue Eric. Tout ça pour dire qu'on salue Eric. On salue. Il sait même pas que je parle de lui en réalité. Mais moi, tu m'as pris sur le fait en me disant hey, Frank, on va être juste nous deux à soir, en fin de compte. Ok, ben, c'est ça. Quand Jerry colle malade, faut compenser. Ouais, ben, il colle malade. Il est-tu malade pour vrai, tu colles? Ah, il était malade cette semaine. Il a pas suivi. Là, fait que la peau coulait pas pour lui. Qu'est-ce que tu veux? Ok, on va l'excuser. Ben oui. Donc, rendez-vous pour les geeks de podcast à Arcade Montréal. Ça se passe le 4 avril prochain. Oui, exactement. Puis, c'est 5$ l'entrée. En plus, t'as une consommation avec ça, une Mario Bros, comme qu'ils disent eux autres. Là. Nice. Allez voir ça. J'ai diffusé ça sur la page des podcasteurs du Québec aussi, mais tu peux trouver ça aussi en googlant ou allant sur le lien de Facebook. L'événement est partout. Un moment donné, moi, y aller. Un moment donné. Ben, j'espère, un moment donné. Pas évident de faire la route. Hey, j'ai vu que tu cherchais des covoitureurs, par exemple. Oui, non, c'est ça. On fait en sorte que ça se passe éventuellement. Il va y en avoir d'autres. Trêve de jacassage. Parlons des vraies affaires. Qu'est-ce que tu bois? Moi, en ce moment, je suis en train de boire un beau petit rum and coke. Oh! Rum and Pepsi. Là. Ok, tu l'as twisté à ta sauce. Ouais, mais le coke, je n'ai plus. Fait que j'ai pris garde, je vais mettre du Pepsi. Ça, je te dis, c'est la même calice d'affaires. Fait que c'est ça. Tant que c'est pas du no-name, là. Non. Mais Chris, je suis pauvre, mais pas à ce point-là. Là. Moi, je bois un savoureux sortilège. Ah, là! J'ai hésité en prenant un scotch, mais je me suis dit, t'es peut-être trop fancy. Ah, ben là, écoute, on jase de hockey ou on jase pas, hein? Moi, j'ai le petit doigt dans les airs à toi et fois, puis la vie est belle. pour commencer sur notre jacassage de hockey, j'aimerais qu'on revienne, là, ça commence à faire un petit bout de temps là, que Marc Bergevin a procédé à cette dernière transaction. Il y a 3 semaines, c'était la date limite, et on peut d'ores et déjà regarder un petit peu là, quelle transaction Marc Bergevin a gagné ou perdu jusqu'à maintenant. C'est Dans les coulisses qui publiait ça aujourd'hui et ils ont regardé les 3 transactions où est-ce que c'est des joueurs pour des joueurs. Et pour eux, ils classent la transaction de Jordy Benn versus Greg Patrin et un choix de 4e ronde comme une victoire pour Bergevin. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Moi, je suis très d'accord. Ensuite, la transaction pour Brendan Davidson contre David Desharnais. Les autres sont comme vraiment pas sûrs. Ils donnent l'avantage aux Canadiens de Montréal, mais par pas grand-chose. Faut dire que Desharnais fait pas mal du côté de d'Edmonton avec 2 buts, 2 passes en 7 matchs. Joue un petit peu moins que 15 minutes par match en moyenne, mais réussit à faire sa place, tandis que Davidson a joué seulement 3 matchs. Donc, il donne l'avantage aux Oilers. Ben, il donne l'avantage aux Canadiens parce que masse salariale, mais moi, je donnerais plus du côté d'Edmonton. Et après ça, ben, Sven Andrighetto contre Andreas Martinsson. Et là, ben, Martinsson ne fait rien, pas de points, -1, joue pas tout le temps, tandis que Andrighetto est sur la première ligne avec 5 points en 8 matchs. Ouais, mais ça c'était évident que ça allait arriver. Andrighetto, il était tanné de faire le pont entre le club école puis ici, le club école puis ici. Il était tanné. Là. C'était évident. Il y a personne qui. C'est comme Udon, on va le perdre de même manière. Je suis pas mal sûr. Mais en revenant à Desharnais, moi je suis d'accord avec toi que c'est l'avantage aux Oilers parce que Desharnais, ben oui. Il est à sa chaise. Il joue sa position. Il joue le job qu'il était censé de faire. Ici, avec le Canadien, c'est parce qu'on l'a tellement vu dans le premier puis le deuxième trio, tout le temps, qu'on l'a catégorisé de même. Puis que là, à Star, qui jouait sa job au troisième, mais on dit, ah, il perd pas assez de buts, il fait pas rien. Au début de la saison, là, c'est un héros. Là. La troisième ligne, là, avait, même 4e ligne, faisait plus de buts que les 2 premières lignes. Oui, puis il réussissait à affronter à ce moment-là des défenseurs pas mal moins rapides, ce qui lui permettait d'utiliser sa vision et ses mains pour générer de l'offensive. C'était la bonne chaise. Et pourtant, combien de fois qu'on a entendu dans les médias et à travers la population, « Ah, moi, je remettrais Desharnais avec Pacioretty, ça a déjà fonctionné. » Ben, en tout cas, Pacioretty, ça marche avec tout le monde. C'est la seule chose qu'il faut que tu te dises. Tu sais, Pacioretty, il faut que tu lui donnes un effectif qui va le faire progresser. Il faut un passeur à Pacioretty. Desharnais est un excellent passeur. Gatchek pourrait l'être, mais lui aussi a l'intensité genre offensive. Il veut compter des colliques de but, lui, avec, on s'entend. Fait que, tu sais, il faut que tu mettes un passeur dans ce centre-là. Un vrai centre qui passe, un playmaker, c'est ça qu'il faut dans ce trio-là. Genre, avec Radulov puis Pacioretty, oublie ça, là. Ça serait fou braque. Mais ouais, non, mais ça manque en ce moment. La roue que tu peux utiliser pour aller sur le carrosse, c'est Galchenyuk. Il y a beaucoup de monde qui le voit trop comme voulant marquer, mais en réalité, fait pas mal plus de passes que de buts depuis qu'il est revenu au sommet de sa forme. Il est presque à un point par match. Tu sais, j'ai l'impression que les gens, encore une fois, ont catégorisé le gars comme étant une déception, puis il peut plus rien faire de bon sans qu'on fasse comme « oui, c'est pas assez bon ». Ouais, ça, c'est le problème au Québec, là. Au Québec, on chiale tout le temps sur quelque chose qu'on a et qu'on veut essayer de mettre tout ce qui va pas, là. Mm-hmm. T'sais, comme là, en ce moment, tout le monde le voulait au centre, le voulait au centre, le voulait au centre. Là, en ce moment, qu'est-ce qu'on entend? Il le veut à droite. Il veut le mettre à l'aile. C'est pas comme si on avait trop de centre. C'est ça. Bon, là. C'est ça. En ce moment, là, au centre, il est censé être à sa niche. Oui, c'est un gars qui veut marquer. T'sais, il a été formé pour être un centre. J'avoue qu'à l'aile, il préfère une belle job. Mais là, à Stark, tu as focusé et t'as fait chier tout le monde que tu voulais le mettre au centre. Puis là, je parle des fans au Québec. Là. On a tous chialé pour avoir ça. Là. Pourquoi là, au moment où que ça va un peu moins bien, tout le monde veut switcher? Puis on va en parler sûrement plus tard, c'est un de mes sujets. Là, mais j'en ai long à dire là-dessus. Moi. Puis t'sais, de l'autre côté, il y a Philippe Dano que lui, parce qu'il n'était pas supposé être catapulté comme premier centre, ben on excuse une production offensive très, très moyenne. Là. Il y a 35 points en 72 matchs. C'est beaucoup plus que ce qu'on s'imaginait qu'il était en mesure d'avoir. Mais on voit pas en quatre lignes. Ouais, mais tu sais, revenons là, à qu'est-ce qu'il produisait. Là. On s'entend là, que du 9 février au 4 mars, ça c'est un mois, il y a zéro point. Puis il jouait avec les meilleurs attaquants. À un moment donné, là, je comprends que le gars il est bon défensivement, je comprends que c'est une surprise, on le voyait pas là et que on est heureux qu'il soit le remplaçant, un peu comme Desharnais avait fait, mais il va falloir se rendre compte que c'est pas sa bonne chaise. Et d'ailleurs, il était hyper productif dernièrement parce qu'on l'a retrouvé au sein d'un deuxième trio parce qu'on a remis Galchenyuk sur le premier avec Radulov et Pacioretty. Tu peux pas mettre n'importe qui comme premier centre, tu peux pas mettre une roue de secours, surtout pas à long terme. Tu vas finir par te tirer dans le pied, puis tu vas finir par faire mal aux joueurs plus que venir l'aider. Là. Ah, effectivement. Puis, tu sais, ça va être un problème pendant longtemps encore parce que le Canadien, on s'entend, ils vont faire les séries. Là. Donc, on n'aura pas des beaux choix au repêchage l'année prochaine. Fait, il va falloir soit magasiner dans les autres équipes, mais ça va coûter cher. Puis déjà là, que l'année prochaine va coûter très, très, très cher avec les échanges qu'on a eus puis ceux qu'on a assignés. Fait, bon, il va y avoir du monde qui va partir malheureusement puis on va entendre du monde chialer. Mm-hmm. Je t'enlignerai avec un de tes premiers sujets, question de te faire partir avec la poque un petit peu. Vas-y. On va tester. Ah ben... Lequel tu veux que je commence? Celui qu'on s'assinait ou celui que je veux chialer? Vas-y. N'importe lequel, je suis prêt. On va chialer sur les médias puis les fafans du Québec. Parce que, tu sais, moi... Québec? Ah, il y a ça, des fafans au Québec. Puis les fafans, il y en a aussi à la radio puis à bien des endroits. Là, je vais approcher mon micro un peu parce que je vais m'installer confortablement dans mon Lazy Boy. Parce que ça va être quelque chose. Un vrai podcasteur, les pattes dans les airs. Excellent, on a peut-être pas les pattes des airs, là, je suis pas rendu là, parce que, en tout cas. Donc, ce qu'on entend, là, puis je vais commencer par les fafans du Québec. En ce moment, notre meilleur joueur, c'est qui? C'est pas Carey Price, t'as pas le droit de dire Carey Price, ça compte pas, lui, c'est un dieu. Lui, on le vénère, bref, moi j'ai un chapelet avec son nom dessus sur le bord de mon lit, fait que lui, il compte pas. Je suis un des rares à dire que le Canadien ne serait pas en mauvaise posture s'il mettait Carey Price à vendre sur le marché. Mais bon, ça c'est une autre histoire. On en discuterait une autre fois d'abord. OK, on regardera ça pour un prochain show. Écoute, je dirais chez Weber. Ben, tu vois, je suis pas d'accord. Moi, je dis, c'est Max Pacioretty? C'est Max Pacioretty, le meilleur joueur de l'équipe. C'est un gars-là, il a... Premièrement, tu connais l'histoire de son contrat. Oui. Il s'est fait fourrer. Non. Oh, ouais, un grand coup de poing dans le cul, il s'est fait fourrer solide. Moi, c'est mon opinion, parce que on le paye pour rien. Ça ne coûte rien l'avoir en ce moment, Max Pacioretty. Puis ce gars-là a pris quand même le club sur ses épaules. Il continue à performer à toutes les fois. Toutes ces blessures qu'on a vues, il est revenu comme un homme bionique. Là, pour vrai, il a déjà fait sa crise d'appendicite. Là, mon frère, il y en a eu une. Là, il était sur le cul pendant quasiment 3-4 mois. Il est revenu 4 semaines plus tard. Tu sais, le gars est une machine. Et cette année, il y a eu une baisse de régime, OK, de quoi? 3 semaines, 4 semaines, à peu près? Ben, le début de la saison, quand il y avait sa micro-fracture, c'était plus difficile, mais depuis qu'il est remis, mais pareil. Exemple, mi-novembre, début décembre, après ça, la machine était partie, là. C'est ça, mais tu sais, il a quand même performé, il était quand même le meilleur marqueur de l'équipe, tu sais, avec Weber. Et là, aujourd'hui, tu sais, j'entendais avant cet hiver, dans le temps des fêtes, avant la pause de Noël, tout le monde le mettait sur le bûcher, c'est le pire capitaine qu'il n'y a pas. Même que Jean-Michel Therrien avait supposément dit ça dans un souper à un moment donné à cause qu'il était sa brosse. Là, j'écoutais ça, j'étais comme, ben voyons donc, hostie de médias, de colique, puis le monde sur les réseaux sociaux, colissez-le dehors, l'hostie d'Italien, blablabla, blablabla. Hey, sérieusement, moi, je m'amuse sur les réseaux sociaux en plus, là. J'aime beaucoup aussi troller les gens, et puis de montrer, voir qu'ils connaissent rien. Et là, aujourd'hui, il fait partie des candidats pour le trophée Maurice Richard. Et là, à minute qu'on dit ça, là, mon réseau social, là, je sais pas si c'est parce que je suis des taupins, là, s'est mis à poster du stock, là, mon homme, là, comme quoi que ça marche, que genre c'était le meilleur capitaine qu'on a jamais eu, que c'était comme... c'était haut, là, on le louangeait. Là. Max Parrish, c'est la meilleure acquisition dans les dernières années et tout ça, mais que v'là pas longtemps, on le mettait sur le bûcher. Ben, tu sais, moi, tout ça pour en venir... J'ai comme, ben où c'est que ça vient, cette maudite affaire-là, que le monde finit par bâcher sur quelqu'un, après ça, il est cool, après ça, il est bon. Tu sais, ils l'ont fait l'année passée avec Subban aussi, là, son début de saison, super tranquille, puis qu'à la fin de l'année, il se mettait à compter des buts, tout ça. Ça a été ralenti, tu sais, il avait dit, oh, relax, le gros de la saison arrive à prendre Noël, là. Il avait dit ça aux médias, à un moment donné. Oh, ouais. Là, au début, là, tout le monde le détestait, Subban. Puis là, à l'échange, tout le monde a capoté, là. Fait que, moi, ça m'a fait freaker out, fait que là, je me suis mis à dire... Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'écoute la radio RDS puis TVA Sport. Les médias, les journalistes, ceux qui veulent de l'argent, des clics puis tout ça, cherchent des bébites où ce qu'il y en a pas. Moi, ça me purge. Genre, le meilleur exemple, là, c'est Régent Tremblay. Le baron, là. Je sais pas si tu le suis à... Non, c'est pas le baron, c'est le parrain. Ben, le parrain, ouais, le parrain. Le baron, c'est l'autre, là. Ouais, je viens de... Ça, c'est l'alcool qui commence à rentrer. Déjà, écoute, ça va aller mal tantôt. Ouais, mais moi, j'en ai déjà eu un autre dans le corps tantôt, c'est pour ça. J'ai triché. Je veux juste revenir, avant que tu pars trop avec Régent Tremblay, je veux juste revenir sur le contrat. Tu as dit que c'était un mauvais contrat. En fait, Max Pacioretty, au moment où est-ce qu'il a signé ce contrat-là, il avait 24 ans et il était UFA, mais à ce moment-là, surtout, il n'avait pas eu les saisons qu'il connaît aujourd'hui. Il a signé son contrat de 6 ans, 27 millions de dollars, avant d'avoir son boom offensif. Et au moment de la signature de son contrat, il valait pour 7,5% de la masse salariale de son équipe. Mm-hmm. Un autre qu'il pourrait dire, ben mon contrat, c'est pas un bon contrat, ben c'est exemple Duncan Keith avec les Ducks, pas les Ducks, mais avec les Blackhawks de Chicago. Au moment de signer son contrat de 13 ans, 72 millions, il valait pour 9,75% sur la masse salariale. Donc la différence n'est pas énorme. C'est juste que le cap salarial a tellement augmenté depuis ces années-là que la différence est vraiment énorme. Il y a des joueurs comparables avec des salaires comparables au même moment qui, tu sais, on signé à peu près la même chose, sauf que la durée a fini par rattraper le joueur négativement. Là où est-ce qu'on voit l'effet inverse, c'est exemple le contrat de Piqué Subban, où est-ce que le plafond salarial stagne, ben ça fait en sorte que l'impact financier du contrat demeure le même aux yeux de la formation et on finit plus par avoir avantage pour l'équipe d'avoir un joueur plus performant que le prix qu'on le paye au prorata. C'était la petite nuance que je voulais amener. Donc, Max Pacioretty, ce n'est pas un mauvais contrat pour le joueur. C'est un contrat qui était tout à fait dans les normes au moment de sa signature. Mais le plafond a tellement augmenté que là, au prorata, c'est plus la même chose. Moi, c'est la durée que j'aime pas. C'est ça, c'est pour ça qu'il a mis son agent dehors aussi. La durée était trop longue. T'sais, il savait que lui, il allait performer un petit peu plus. C'est quand il est arrivé, puis il a dit qu'il était signé pour 6 ans. Il avait... Hey, mais dans 6 ans, je vais être à mon pic, là, genre. Fait que mec, il a renégocié. Faut qu'il n'y a pas le choix de donner un autre 3 ans comme ça, là. Il peut plus. Parce que tu sais, c'est comme Plekanec. En ce moment, tout le monde chiasse son contrat. Mais quand il a signé au début de son contrat, il valait ce montant-là. Jamais. Voyons toi. Il a été quand même le meilleur marqueur de cette ligue-là, pas cette ligue-là, mais de cette équipe-là. Dans les deux premières années de son contrat, de ce contrat-là. Mais c'est un contrat de deux ans. Comment tu veux que les deux premières années? Je veux pas dire deux ans. Excuse. Là, je me mélange un peu. J'ai plus mes chiffres devant moi, mais je sais que il évalait quand même deux ans, il évalait ce montant-là parce que je me assassinais avec quelqu'un d'autre là, il y a pas longtemps. Il les a jamais valu parce que c'est un troisième centre, Thomas Pekarek. Tu me diras pas le contraire. Il y a pas un troisième centre dans la ligue qui est payé à 7, quelques millions de dollars par saison. Et surtout, il ne valait pas ce salaire-là parce que le contrat a été signé en début de saison, l'année où est-ce qu'il tombait à la fin de son contrat. Donc, ce qui veut dire que Marc Bergevin n'avait aucune presse à lui donner un nouveau contrat de 2 ans pour donc faire 3 ans de contrat au moment où est-ce qu'il l'a signé. Il n'y avait aucune presse et à la limite, si le Canadien de Montréal, comme il l'a vécu, a vécu une descente aux enfers, aurait pu le liquider. Avec un contrat de 2 ans en main, même sans limitation pour les transactions, sans clause de non-échange, le contrat de Thomas Pekanec devenait pas mal moins intéressant. Et donc, le Canadien a perdu au change. Au lieu d'avoir une monnaie pour une transaction, pour aller chercher des choix ou des choses comme ça, quand le Canadien était dans les bas-fonds, finalement, on s'est plutôt ramassé avec un joueur de centre trop payé, plus performant et trop vieux et pas échangeable. Arrêtez, il s'en va à Las Vegas, il va être heureux. On n'aura rien en retour, là. Ben, c'est pas grave, ça. On va être débarrassé, calice. Donc, tu peux pas me dire que c'est un bon contrat quand objectif à la fin de la saison, c'est d'en être débarrassé. Il y a quand même 2 saisons qui en a valu. Il a quand même été le meilleur marqueur 2 années d'affilée aux Canadiens. Au niveau des buts, au niveau des points, je veux dire. C'est lui qui avait le meilleur pass et des trucs comme ça. Tu vas checker, il y a 2 années, je suis pas mal sûr que c'est en... j'ai un blanc, je te dis, là, mes notes sont... je l'ai vu. Mais bref, je vais revenir à... Retourne la dans la fleur, hein? Avec le port. On va chercher les chiffres, tu vas voir. C'est un monsieur-là, OK, je sais pas, il est quand même très réputé pour tout ce qu'il a fait. C'est un bon journaliste quand même. Il a écrit quand même L'Ancien Compte, qui est un chef-d'œuvre. Voici mon ton. Les 3 premières années. excuse. Moi, j'étais allé voir le film au cinéma, OK, et je souhaitais que Suzy Lambert meure. Mais il l'a pas fait. Il l'a fait mourir d'une manière beaucoup plus étrange que je me suis senti mal. Mais ça, c'est une autre histoire. Moi, bref, j'étais la seule chose. L'accident d'autobus, là, je souhaitais qu'elle soit dedans. Mais non, ça n'est pas arrivé. Suzy Lambert n'est point morte dans ce moment-là. Fait qu'aujourd'hui... Reviens au sujet! C'est ça! Je vais déborder! Mais je l'écoutais à la radio. Il est souvent le matin, l'affaire des commissaires avec un gars de ton coin, puis Enrico Ciccone. Nicolas, il est allé chanter. Là. Ah, il est allé chanter, mais lui, il chantait avec ses poings à la place. Puis souvent, il dit des choses, là, mon homme, là, je suis comme, OK, il te sort des affaires qui dit que lui, il a une source sûre. Puis ça n'a pas de sens, qu'est-ce qu'il dit. Là, j'ai pas d'exemple, point de même. Là. J'en avais une en plus hier. J'ai dit, faut que j'amène ça à un moment donné comme sujet. Puis là, elle m'a sorti. Mais des histoires de comme... que ça faisait longtemps que... c'est ça. L'affaire de Michel Therrien, OK? Mm-hmm. Qui avait dit que Matt Parity était le pire gardien... pire capitaine qu'il avait pas eu au niveau du Canadien de Montréal. Okay. Moi, j'étais comme, OK, pis tout ça, pis là, c'était comme, on sait pas si les sources sont fondées, ça allait être entendu dans un souper, pis blablabla. Pis là, d'un coup, lui, il arrive, moi, je sais qu'ils sont fondés. Ah ouais, comment ça? Il dit, je connais quelqu'un qui était dans ce souper-là. OK, pis là, il mettait de l'huile sur le feu, genre, OK, mais c'est qui? Ouais, mais tu sais, par principe de respect, des. Hey, ferme ta gueule. Tu viens de dire que toi, t'as une source sûre, mais tu veux pas donner ta source sûre au cas où que lui soit jugé, qu'en réalité, c'est de la merde qui a été dit. Tu sais, veux pas, là, ce souper-là, là, premièrement, oui, je me suis dit que c'est une histoire de, hey, ils étaient sur le party, puis ils ont dit des niaiseries, puis il a sûrement dû se lâcher un call niaiseux. Il a jamais je créerais que le gars a blasté son capitaine devant un souper où ce qu'il y a des journalistes. Ben, en fait, il n'y avait pas de journalistes. Du moins, il y avait des sources. Hey, j'en reviens à Thomas Plekanec, qui était le meilleur pointeur du Canadien de Montréal 2 saisons, mais les saisons 2010-2011 et 2009-2010. Ah, je savais. Hein? Donc, il ne méritait pas 7,5 millions de dollars. Il l'a déjà mérité de valeur comme ça. Il a quand même été le meilleur. Selon moi, c'est peut-être pour ça qu'ils ont donné ce contrat-là à cause de cette affaire-là. C'est plus que je veux dire ça. Mais c'est pour ça, t'sais. Lointain. Mais là, l'histoire de Max Pacioretty, capitaine, là, ça fait comme vraiment longtemps, mais à la limite, sais, on avait fait le test là, sur le show. Là, tu regardes les plus grands capitaines de l'histoire du Canadien de Montréal, puis tu te dis, OK, ceux qu'on connaît pas, là, tu sais, dans les capitaines, il y avait, tu sais, Max Pacioretty qu'on connaît parce que, tu sais, il est là, le moderne. Ouais. Tu avais comme trois autres noms, là. Fait qu'à la limite, même si Max Pacioretty n'est pas le pire capitaine de l'histoire, il était dans le bottom 3, tu sais, après une saison qui était vraiment de la marde. Ouais, mais c'était pas juste lui. C'est pas si faux que ça. C'est quand même lui qui était le meilleur marqueur de ce team-là, pareil, à ce moment-là. Reste que sa seule saison à ce moment-là, c'était une des plus énormes catastrophes, une dégringolade historique pour le Canadien de Montréal. Donc, si tu le compares avec l'histoire du Canadien, oui, il se ramassait dans le bottom 3. Tu sais, c'est pas qu'il soit bon ou okay. Non, ça change absolument rien. Là. Dis-moi que le deuxième P, c'est Koivu. Mais non, il a passé 11 ans. Ouais, il a passé 11 ans, dont là-dedans, quoi, 6 étaient les pires années du Canadien de Montréal? Ben, il était probablement dans le bottom 4, Koivu. Crève, c'est ça que je te dis, il y a une saison de merde que la team faisait rien fuck all. Il y avait genre la situation de Subban que tout le monde persiste à dire que Subban mettait de la merde dans la chambre. Là, t'as Pacioretty qui est là, puis... Tout ça pour dire qu'on sait pas ce qui se passe dans cette chambre-là. Il y a lui qui vient dire des propos. Après ça, on arrive avec cette histoire-là cet été pour faire mal paraître Michel Therrien. Michel Therrien perd son club, tout ça, puis il y a Chantal Maccabée qui nous dit vraiment quelque chose de super sensé juste avant que Michel Therrien se fasse mettre dehors. Puis je n'avais parlé au podcast du Spermatozoïde. Puis on en parlait de même, puis c'était juste avant que Michel Therrien se fasse mettre dehors. Puis moi, je disais, oh, Chantal Maccabée a dit que Michel Therrien, pas l'air filé, tu sais, il est pas heureux, tout ça, il n'est pas l'air content, mais les autres, ils voulaient garder, puis ils aiment ça, garder les trucs en chambre, parce qu'ils savent que si ça sort, ça va être mal interprété. Moi, c'est sûr et certain que c'est ça. Jamais je créerai que des choses qui se disent après, comme Chantal Maccabée, elle a dit après qu'il s'est fait mettre dehors, Michel Therrien. Elle l'avait pris un soir, il était en train de fumer sa cigarette et tout ça. Puis elle a dit qu'il avait parlé, puis il dit « Hey, je pense que ça achève. » Elle dit « Qu'est-ce qui achève? » Il dit « Ben... » J'espère qu'il s'en rendait compte. « Ben, tout ça. » Oui, c'est sûr qu'il s'en rendait compte. Il savait en tabarouette. Mais ce qu'il trouvait plate, il dit « C'est plate. » Il dit « La pression du monde, la pression des médias va faire que je vais perdre cette équipe-là. Puis je sais qu'après le temps des fêtes, ça va revenir. Les bobos sont guéris. Tout va bien. L'équipe est en feu. L'équipe va bien. L'équipe sont... Ils se tiennent, tu sais, c'est une belle équipe, c'est une belle gang. Il aimait ses joueurs en crisse, le gars, là. C'est ça qu'elle disait, là. J'étais comme, OK, mais le gars vient dire que son capitaine, c'est de la merde. Les médias disent, oh, le club, il veut plus rien savoir. Je te dis, moi, là, ça me fait capoter à chaque fois qu'on dirait qu'il y a rien à dire sur le Canadien. On cherche de quoi à dire. Comme cet été, là, on cherchait des bébêtes un peu partout, on cherchait des trucs à dire. Le réseau des sports, le TVA Sports, ça marche pas l'été, personne ne regarde ça. Là. Regardez Eugénie Bouchard taper sur des affaires. Si, va voir son Instagram, tu vas la voir, Eugénie Bouchard. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'au Québec, on se fie trop sur nos émotions à nous. On aime trop les soap opéra, on aime trop les trucs comme la voix, les trucs de réalité. On aime ça connaître plus, aller chercher des petites bébêtes. Tu sais, aller chercher comme quoi que, oh, Markov, son ex-femme est morte, là, il est obligé d'aller chercher. Tu sais, pour vrai, là, c'est leur vie, ça, là. Je veux bien croire que c'est rendu des superstars, mais give them a break. Tu sais, c'est normal qu'il y en ait qui veulent pas fucking signer avec le Canadien de Montréal. Hey, fuck, mettre des caméras dans ma face all day, all time. Je les comprends, là. Ouais, t'sais, mais à l'inverse, il y a des joueurs qui recherchent ça, puis c'est pas juste le Canadien de Montréal, là. Les joueurs de soccer en Europe, c'est exactement la même chose. Les joueurs de football aux États-Unis, c'est la même chose. NBA aussi, baseball, tu sais, name it, là. Fais-moi pas à croire qu'il y a moins de pression de jouer pour les Yankees de New York que de jouer pour le Canadien de Montréal. Non, je sais, mais c'est partout pareil pour ça. Les médias, c'est parce que c'est une plus petite ligue que là, on le voit, puis on l'a dans notre face que c'est à Montréal, mais tu sais, fais-moi pas à croire que dans d'autres sports, il n'y a pas l'équivalent, voire pire. Tu sais, des paparazzi, là, en France, entre autres, là, pour les vedettes, là, c'est 100 fois ce qu'on a ici là, pour le Canadien de Montréal. Là. Ah, je sais. Sauf que ici, t'as pas juste les médias, t'as les assis fans aussi qui sont fucked up. Tu sais, Carey Price, là, il peut pas se promener dans la rue genre avec sa femme, son bébé, pour aller magasiner au centre Eaton. Là. Ils peuvent pas faire ça. Mais quand elle joue à Phoenix, c'est ça qu'il veut. Là. Ben, c'est malheureusement peut-être des plans, hein, parce que faut leur signer, hein, pis c'est ça, s'il n'y a pas de Coupe Stanley en vue, pas sûr qu'il va rester. Hey, parlant de journalistes, il y a Martin Leclerc cette semaine qui a lancé une information à la radio au 91.9, si je me trompe pas. Il est allé lui dire, dans le fond, il parlait de, entre autres, les joueurs russes. Et le contrat de Radulov, semblerait-il qu'il y a une clause dans son contrat pour surveiller son sa potentielle consommation. Il a pas dit de quoi. Et il a aussi dit, il a glissé ça comme en douce, que les joueurs russes, c'est un peu comme les Dominicains au baseball ou tu sais les joueurs de soccer en Afrique, t'es jamais vraiment sûr de leur âge et c'est possible que Ovechkin ou encore Radulov soient plus vieux que l'âge qu'ils disent avoir. Mais en ça même temps, regarde la tête à Ovechkin, il est grisonnant en tabarouette, là. Ouais, mais Ovechkin, son vécu, là, ce gars-là, il est sa poudre, là. C'est certain. Hey, le gros, quand il venait jouer, il disait qu'il aimait ça venir à Québec. Il était tout le temps dans les bars, il était tout le temps en train de sortir. C'est un gars comme ça. En Russie, c'est des party men. Tu sais, leur clause de dire, hey, voyons donc qu'ils vont être checkés sur leur consommation. Je suis pas sûr, là. Il y a des limites à tout. Tu sais, si Galchenyuk est capable d'aller niaiser avec Beaulieu dans un jet privé, là, sans que genre il y a de contrôle, quoi que ce soit de même, Radulov, il est capable d'aller triper le soir. Il a déjà trippé. Il a fait ses trips dans le KHL. Là, en ce moment, il veut jouer pour gagner de l'argent. Puis moi, je pense plus que justement, il est là pour jouer. Là, en ce moment, il est malade. Le monde qui dit, hey, fait quelques matchs, qui joue comme pas super bien. Chris, le gars, il a un esti de virus qui essaie de battre depuis 3 semaines. Que ça fait 3 semaines que tout le monde combat ça dans l'équipe, puis ça a été comme pandémique un peu dans cette équipe-là. Mais pandémique peut-être pas, là. Épidémique peut-être, là. Non, c'est la même affaire. Pandémie! Une pandémie, non, il y a eu, tu sais, ça s'est propagé dans l'équipe. Puis, moi, c'est ça, c'est comme, là, on cherche des bébites, ils jouent moins bon. Moi, c'est comme, cette année, là, c'est une belle saison. Je trouve qu'on a bien joué. Mieux que l'année passée, c'est tout concorde un petit peu mieux. Oui, on a des lacunes au centre, on a des lacunes en défensive. On a juste Weber qui a joué. C'est plat qu'il y ait trois positions comme joueur. Hein. Il y a l'attaque, la défense, puis le gardien de but. On a des lacunes en attaque, pas en défense. J'ai dit au centre. J'ai pas dit ailleurs. Il m'a donné les gauches. Au moins le deuxième trio. Là. Au moins, ouais, c'est vrai. Fais-moi pas croire que ce club-là est contender pour la Coupe Stanley. Là. Ah, man, ça, c'est... Oublie ça. Moi, je suis... Oui. Et s'ils jouent comme ils ont joué en fin de semaine, oui. Hey, c'était pas une puissance, Ottawa, là. Il y a personne qui mettait des playoffs au début de la saison. Mais anyway, non, là... mais Chris, c'est l'équipe de l'heure depuis, genre, 3 semaines, là, les Sénateurs. Ils sont partout. Ils ont un jeu... ils bloquent le centre comme c'est pas permis. Tout, c'est physique. Okay. Est-ce que le Canadien peut battre les Penguins de Pittsburgh? Oui. OK. Est-ce que le Canadien peut battre... Ça, je vais dire oui à toutes tes réponses, man. Les Caps de Washington, le Wilds oui. Minnesota, les Ducks oui. d'Anaheim, les oui. Blackhawks de Chicago. Oui. Oui, non. Arrête. T'as dit, mais... Fafan. Oui, non, c'est pas être fafan. Fafan. Ça, c'est... Non. Hey, c'est la première fois que je sors ça comme argument dans la POC. Vous êtes... Non. Si tu mets comme... Peu importe, OK? Si les séries arrivent, OK? Ce que tu mets de la Dion de l'Est puis de l'Ouest... Toutes ces équipes-là peuvent percer s'ils trouvent le moyen de le faire. Ah, c'est pas vrai. C'est totalement vrai. Faut encore que je fasse ce maudit speech-là. OK, regarde. Yeah. Hey, gros, on s'en destinait là-dessus. Les Kings l'ont fait en 2010-2011. Ils ont gagné deux coupes en 4 ans. C'est pas un club Cendrillon. Ouais. Ils ont été Cendrillon. La première coupe qu'ils ont gagnée, c'était Cendrillon en Estie. Ils étaient pas censés faire les séries. Ils ont devancé l'échéancier. Le même club... Le même club, 3 ans plus tard, a gagné la coupe. C'était pas supposé, mais c'est pas une équipe Cendrillon dans le fait que c'est un club de nowhere. Un club qui a été Cendrillon, le dernier, là, c'est les Hurricanes de la Caroline. En 2006. Après ça, là, de 93 jusqu'à 2016, la dernière coupe, il y a 23 ans, il y a une coupe d'une équipe Cendrillon qui s'est gagnée en 23 ans. C'est 4% de chance. C'est pas une bonne stratégie pour gagner une coupe, là. Non, je sais que c'est pas une bonne stratégie, mais ça peut arriver. En ce moment, mais mise pas là-dessus. Mise sur une affaire qui fonctionne, tu sais, sur un vrai plan. Tu sais, genre avoir une équipe bonne avec du talent partout, puis quitte à échanger ce que t'as en trop pour patcher ce que t'as en moins. Là, le Canadien de Montréal ne fait qu'avec la même chose que le gouvernement fait avec nos routes, puis avec le système de santé. On patche d'un bord, puis après ça, on enlève de l'autre, puis on fait comme, OK, ça saignait de ce bord-là, mais là, ça saigne à l'autre botte. Là, c'est. On a cousu une place pour enlever à l'autre, là. sais, ça dépend. Si le système, il marche de même, comme, tu sais, je l'aime pas le système à Claude Julien, là. C'est très, c'est une game plate, là. Mais il l'a fait avec les Bruins, puis l'année qu'il a gagné avec les Bruins, il y avait plus de joueurs, tout le monde était blessé. Puis il a fini par réussir à gagner, c'est comme, c'est le 3 ans, oui, c'est ça. Il a gagné la coupe, puis il y avait des joueurs en moins, là. Il y avait des joueurs pas mal blessés, puis c'est grâce au leadership à Bergeron, au petit calice de Marchand, quand en ce moment il est en train de gagner les meilleurs. Ça revient pas, ça. Ça, j'en reviens juste. Buteur, c'est, non, Crosby a dépassé. Hein? Crosby l'a dépassé, il est rendu à 40 buts. Crosby l'a dépassé, là? Oui. Qui disait qu'il était le meilleur marqueur hier, en tout cas. Alors, moi, ça me fait capoter, Marchand, cette année. Mon frère l'a pris dans son pool, puis je l'ai. Je l'ai. C'est à cause de ça qu'il me bat. Tu l'as déshérité. Ah, moi, ça fait longtemps que j'ai déshérité mon frère. Il a oublié ça, là. Fait que c'est ça. C'était un des premiers sujets. Crosby a 3 buts de plus que Marchand en ce moment. Ça n'a pas de sens, le la course au meilleur buteur cette année. C'est des noms, genre, tu regardes, t'es comme, OK, il y a 2 recrues. Crosby est encore là. Malkin est encore là. C'est débile. Lenny Matthews sont là. C'est drôle, hein? Repêcher, ça peut être payant. Recrue de l'année pour toi, c'est qui, Matthews ou Lenny? Moi, j'irai avec Lenny. J'aime le côté excitant qu'il amène à la game. Sinon, ce serait le défenseur à Columbus. Comment est-ce qu'il s'appelle? Warinsky? Non, c'est pas. Ouais, non, ça, c'est un attaquant. Comment est-ce qu'il s'appelle? Hey, c'est bien parce que je veux le nommer, hein. Donne-moi une seconde, on va trouver ça. Columbus. Ouais, c'est ça, Werenski. Je pensais que c'était le centre, ça. Ouais, non, je me suis trompé. Donc, Zach Werenski que je verrais comme premier, deuxième, là, avec Matthews, troisième. Là, comme on a déjà une 40 minutes de fête, on va te laisser aller sur certains sujets. Là, c'est pas grave. OK, je veux... écoute, je l'ai promis sur notre Facebook de la POC. À soir, c'est là que ça se passe. Pierre Lebrun, je te jase à toi, là. En entrevue à On Jase avec Martin Nommé, ils en sont venus à discuter un petit peu de Jonathan Drouin, de dire comment est-ce qu'il était bon de ce temps-là, puis tout allait bien, qu'il était en train de devenir un joueur vraiment dominant. Et là, Martin Lemay a fait son fin finot, parce que le but, c'est de rabaisser Alex Galchenyuk tout le temps. Il a demandé, tu prends qui en premier, Alex Galchenyuk ou Jonathan Drouin? Et là, comme n'importe qui sur la planète, tu dis Jonathan Drouin, et c'est totalement logique. On s'entend. Par contre, là où est-ce qu'il y a un bémol, c'est qu'il faut remettre les choses dans son contexte. Alex Galchenyuk a été repêché au 3e rang, Jonathan Drouin aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a une comparaison entre les deux. C'est pas une question de qui est le meilleur, qui est le moins bon, blablabla. C'est une question de ils viennent de quel rang, c'est le 3e rang. Dans le repêchage de 2012, Alex Galchenyuk est soit le premier repêché, si on refait le draft aujourd'hui, soit deuxième derrière Philip Forsberg. Après ça, il n'y a comme pas de compétition, il n'y a personne qui vient à côté. Morgan Riley tombe 3e, voire 4e, tu sais. Mais il n'y a personne qui vient toucher à Alex Galchenyuk et Philip Forsberg dans ce repêchage-là. Donc, autrement dit, au 3e rang, le Canadien de Montréal, à part repêcher Forsberg, a fait le meilleur choix possible. Si tu regardes en 2013, l'année de repêchage de Jonathan Drouin, dans les premiers joueurs là, qui ont été repêchés, t'as Nathan MacKinnon, t'as Alex Barkov, t'as Drouin qui est 3e, Seth Jones, Sean Monahan, t'as Rasmus Ristolainen, t'as Anthony Manta, mais qui serait pas devant. Donc, mettons que je te demande de choisir dans cette cuvée-là. Là. MacKinnon, Barkov, Drouin, Seth Jones, Monahan, on va prendre les principaux. Là. Est-ce que tu prends vraiment Drouin en avant tous ces gars-là? Fuck non. Non. Est-ce que tu le prends... faisons notre top 5, OK? Moi, je prendrais MacKinnon quand même premier. Mm-hmm. Moi, je prendrais Jones en deuxième. Oui, moi aussi. Après ça, Monahan. Ah, moi, c'est Barkov. Interchangeable, mais Monahan, c'est parce qu'il y a de la graine de capitaine. Et là, je parle pas de son engin. Je parle vraiment que c'est le leader incontesté de cette équipe-là. Après ça, Barkov. Et après ça, Drouin. Pour l'impact jusqu'à maintenant dans la Ligue nationale et le talent, ces gars-là le dépassent tout. Donc, Drouin tombe 5 ou 6e dans ce repêchage-là. Si, oui. Si tu compares année par année, là, c'est impossible que le Canadien, au 3e rang cette année-là, s'il veut prendre le meilleur choix, pogne Drouin. Et en plus, faut pas oublier que c'est drôlement en fait la vie, hein, mais il y avait pas le troisième choix overall l'année du repêchage de Jonathan Drouin. Donc quand même que tu dis le Canadien de Montréal aurait dû prendre Drouin au lieu de Galchenyuk, c'est impossible que ça survienne. Le Canadien de Montréal repêchait 25e cette année-là. C'est quoi les chances que Drouin glisse jusqu'au 25e rang? Il n'y en a aucune. Mais ça, c'est comme je te dis, ça, c'est comme encore les médias qui essaient de comme créer des situations pour essayer de briser un peu l'image du Canadien, d'essayer de briser les choix ou les décisions qui ont été prises pour dire, regarde, il y a du monde bien meilleur que ça. Comme tu sais, Drouin, qu'on n'a pas été capable d'aller chercher à Tampa Bay. Je suis pas mal sûr que Bergevin a essayé de faire ça. T'sais, jamais je créerais que pas essayer de tenter d'aller chercher de quoi, mais tu vas faire quoi? Encore donner des choix pour ben, pas être capable d'aller en chercher? Je sais pas jusqu'à quel point, parce que la surprime, le joueur plus les autres éléments, fait en sorte que tu payes assez cher puis que le potentiel est quand même là chez Alex Galchenyuk. Dans ses bonnes séquences, Alex Galchenyuk est un point par match. Oui. Fait qu'il doit pas être si mauvais que ça, là. Ah, Alex Galchenyuk, si ça continue comme ça, là, cette année, il cherche encore sa place, puis c'est normal en même temps, tu sais, il a eu sa blessure. Tu sais, une blessure, man. Tu sais, Pacioretty, c'est déjà miraculeux que lui, il revient à, genre, vraiment en feu, même après une blessure. Je suis sûr que ça pourra pas durer non plus. Galchenyuk, sa blessure était assez intense, là. Il était même pas sûr s'il était capable de finir la saison, puis il a été capable. Tu sais, c'est normal, là. Une blessure au genou, là. C'est jamais vraiment très cool. Moi, j'aime les chums, ils peuvent jouer au soccer à cause de ça. Okay. J'ai fait un petit comparable, OK, en termes de production de points par match. Alex Galchenyuk est à 0.61 points par match et Drouin est à 0.56. Fait qu'on a la réponse. On te souhaite le tour du débat. Les médias, je te jure, je viens d'en parler. Des fois, ils cherchent des réponses ou ce qu'il n'y en a pas. Genre, Mais c'est pas grave. Quand même que tu prends Drouin avant Galchenyuk, ça se défend, tu sais, de dire « Ah, il est meilleur. » Puis oui, ça se peut, tu sais. Mais mets ça dans le contexte puis explique ta réponse. Là. C'est pas ça qu'ils veulent faire. Parce que justement, tu sais, toi, t'as pris le temps d'aller faire le calcul. Toi, t'as pris le temps d'aller faire la recherche. Le Québécois moyen, zap. Regarde. Ah, mais c'est Pierre fucking Lebrun, man. Je m'attends à mieux. C'est un des meilleurs. Si lui peut se faire pogner sur une niaiserie de même. C'est comme, à un moment donné, c'est pas l'an passé, mais l'autre d'avant, OK? Les Bruins de Boston ont repêché trois joueurs back-à-back. Ça se peut qu'ils soient pas bons. C'est même pas ça le point, OK? Une couple de semaines après, il y a eu les débuts des camps d'entraînement pour les recrues, puis il y a eu des tests physiques, et c'était dit que les trois joueurs des Bruins de Boston n'avaient pas réussi tel exercice. Là, tu fais comme, OK, ben écoute, c'est vraiment des mardes, ils n'ont pas réussi ça. C'était du mauvais journalisme de A à Z. Oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas réussi l'exercice, mais c'est quoi le pourcentage dans la Ligue nationale des kids qui réussissent le fameux exercice en question? Si c'est 1 sur 20, c'est pas si pire que ça. Si c'est 90% des joueurs, là, t'as un trouble. Mais si tu le racontes pas, si t'as pas de comparable, ça donne rien. Tu parles des tests physiques, là, tu parles. Ouais, les tests physiques. Il y avait un exercice en particulier qu'il y avait les trois ratés, puis c'était popé partout. Hein, les Bruins de Boston, mauvais choix, ils ont pas réussi l'exercice physique. Comme si c'était un argument. S'il y a pas de comparaison, ça sert à rien. Dustin Bufflin, on va se le dire, là, il fait pas l'affaire des exercices physiques. C'est ça, il est raté. Il est jamais en shape, ce gars-là. C'est un des meilleurs joueurs quand même de la ligue, là. Oui, en tout cas, je te dis, des fois, le mais... bon. J'ai arrêté d'écouter TVA Sport, surtout TVA Sport. C'est particulièrement, eux autres. Tu sais, genre, Jésus Théodore. Qui a dit que Brendan Davidson n'avait même pas sa place dans la Ligue nationale. Ah, ça, man, ça m'a fait capoter. Mais ça se peut qu'il ait raison, mais appuie tes dires. Ton impression, là, ça donne sweet fuck all, là. Ah, tu sais, Brisebois, OK, dans cette problème. Le style de voyons, Bergeron, le Bergy, là, plus capable. Moi, mon préféré, c'est Gaston Therrien. Moi, je l'haïs pour mourir, Gaston Therrien. Plus capable. C'est sarcastique. Okay, j'espère. Parce que, c'est mon préféré. Terrence Sport, je les aime toutes pas. Mais RDS, tu sais, il y en a que j'apprécie quand même et tout ça. Mais Gaston Therrien, je suis pas capable. Puis Benoît Brunet. Ah, il bouge ses pieds, là. Fucking... Hein? Il bouge ses pieds. C'est ce qui est important. Ben, c'est ça qui est pas important. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. J'en reviens dans d'autres nouvelles qu'on pourrait jaser. Brendan Gallagher a dit en entrevue un petit peu plus tôt la semaine dernière, suite à ses blessures répétées à la même main, des opérations. Écoute, il est rendu avec des blocs de ciment dans les mains. Là. C'est, ça n'a même pas de bon sens. Il n'y a plus de la maniabilité. Et là, la question a été lancée par mes chums dans les coulisses. Est-ce que Marc Bergevin a été obligé d'échanger Brendan Gallagher? Je pense que malheureusement, oui. Il va faire partie des échanges sûrement de cet été. Je dis malheureusement, ben, j'adore ce kid-là. Là. Ça me fait sourire parce que c'est des joueurs comme ça qu'il nous faut, mais un petit peu plus gros, un petit peu plus tough. Ben, t'as Andrew Shaw maintenant. Pourquoi avoir gagné? Oui, mais Andrew Shaw, malheureusement, sauf ces temps-ci, là, il commence à donner du meilleur hockey, il est plus discipliné, des trucs comme ça, mais il est un petit peu trop tête folle, genre, à comparer à Gallagher. Mais Gallagher, pour vrai, là, il en a donné beaucoup. Je trouve ça plate qu'on va être obligé de le laisser aller pour qu'il aille jouer un autre type de hockey, peut-être ailleurs, d'être peut-être okay, moins. Est-ce que le contrat de Brendan Gallagher est un bon contrat selon toi? Oui, oh, ça n'a rien coûté au départ, puis il méritait. Puis, l'année passée, il a donné beaucoup de. Il a fait sa meilleure saison. Pas l'année passée, mais l'autre année d'avant, il a fait sa meilleure saison. Là, l'année passée, tout le monde a eu une saison de marbre, puis lui, il a été blessé là-dedans en plus. Fait que. Moi, je pense que oui, il méritait son contrat. Là. Moi, je pense que non. Voilà. Je t'explique pourquoi, OK? Au moment de signer son contrat, Gallagher, on connaît son style de joueur. À grosseur qu'il y a, il est à 5 et 9, si je me trompe pas. Écoute, c'est un nain. Sur là, ses patins. Oui, c'est ça. Sur les patins, il est à 5 et 9. Avec des. Tu fais ça, toi, quand t'étais jeune, là, tu te fais des échasses avec des cannes de conserve, là. Ouais. Il y a ça, lui. Il marche là-dessus. Donc, Brendan Gallagher, donc, avec son style de jeu, le fait qu'il se met le nez dans le trafic, un gars qui est hyper physique, c'est le genre de joueur que tu le sais que le hockey va finir par le user. Okay? Il va finir par le maganer et ses performances vont rapidement décliner. Au moment de signer son contrat, Gallagher a, là, en ce moment, il a 24 ans, il a signé son contrat en 2014. Donc, il y a 2 ans, presque 3 maintenant. Donc, il avait 22 ans. Pourquoi à 22 ans, quand le gars, il est au moment de signer son contrat, il est RFA, pourquoi tu le signes pour 6 ans? Il n'y a aucune raison de le signer pour une telle durée et surtout pour une telle valeur. C'est le genre de joueur que les probabilités que ses performances diminuent sont pas mal plus élevées que celles que ses performances augmentent et donc les chances que tu puisses renégocier son salaire à la baisse sont plus élevées. Le maximum de Brendan Gallagher dans une vraie bonne formation, c'est un ailier de troisième trio. C'est ce que Andrew Shaw était avec les Blackhawks de Chicago et que là, cette année, il est obligé de jouer sur une 2 parce qu'il n'y a pas mieux à Montréal. Mais il devrait jouer sur une 3. Puis Shaw et Gallagher, c'est à peu près le même style de joueur. Pourquoi tu donnes 3,75 millions de dollars à une petite peste qui est vouée à jouer sur une troisième ligne et qui va fort probablement, avoir des blessures et donc voir ses performances être en constante diminution. Il n'y avait aucune raison. Ben, pour 6 ans, c'est s'il voulait le garder à long terme. À long il terme, était là, RFA, il aurait pu le signer 3 ans, là. Ouais, il aurait pu signer 3 ans, mais dans 3 ans, si, admettons, il t'avait offert tes 2 meilleures performances de sa vie, genre, le monde aurait été capable de te le voler pour plus cher. Tandis que là, tu le gardes pour 6 ans, OK? Puis là, tu sais qu'il va descendre. Tu sais que son rendement va être le même. Si on ne l'échange pas cet été, là, malheureusement, Gallagher se retrouve sur le troisième ou quatrième trio. Tu sais, on n'aura pas le choix. Son rendement est moins là. Il n'est plus capable de faire le même job. Mais sur le troisième et quatrième trio, il est capable de te faire un nasty de bel job juste pour aller intimider, pas intimider l'autre, mais aller énerver des joueurs pendant des périodes de temps. Tu peux l'utiliser pour une autre sauce. C'est un joueur que tu peux faire plusieurs choses avec lui. Tu peux le mettre d'une manière défensive. Il est super bon défensivement. OK. Steve Ott a 34 ans, gagne 800 000 par année. C'est à peu près le même rôle. Oui, mais Steve Ott, on l'a. Pourquoi? C'est sans taxe. Ouais, mais Steve Ott, on le garde pas l'année prochaine. Mais non, je sais, mais pourquoi un gars comme Brendan Gallagher mérite 4 fois le salaire de Steve Ott pour à peu près le même job? Parce que là, en ce moment, Brendan Gallagher, on l'utilise sur les 2 premiers trios. Mais t'es pas censé payer un gars selon l'utilisation que t'en fais, mais bien plus selon l'utilisation qui est censée être faite de ce gars-là. Ben, là, en ce moment, c'est juste qu'on s'attendait pas à ce qu'il reste sur le deuxième trio. On pensait aller trouver du monde qui allait le prendre sa place. ben ça fait en sorte que tu payes un gars ben trop cher. Il est ton cinquième meilleur salarié en attaque. Il sera jamais ton cinquième meilleur pointeur de ton club, là. Ça veut dire que genre le quatrième, c'est chat? Mm-hmm. C'est bol. Marc Bergevin est un très, très, très mauvais négociateur de contrat. Il gagne tous ses trades contre des gars de troisième puis quatrième trio. Quand il fait ce genre d'échange-là, il est super bon. Quand c'est le temps de faire une grosse transaction, il est pas capable. Et quand c'est le temps de payer, il est pas bon pour négocier. Il est trop généreux. Il n'y a pas un contrat de Marc Bergevin signe qui est avantageux pour le Canadien de Montréal. Tomáš Plekanec, c'est un exemple. Andrew Shaw, c'est un exemple. Ça n'a pas de bon sens. 3,9 millions quand le gars était RFA. Il n'y a aucune raison de se donner aussi cher et aussi longtemps. Brendan Gallagher, c'est un mauvais contrat. Alex Galchenyuk, c'est un mauvais contrat. Tu le savais que ce gars-là était pour te générer un point par match et te faire sauter le contrat à son prochain. C'est lui qu'il fallait que tu signes à long terme avec un salaire moindre. Mais non, il l'a pas fait. Paul Byron, 3 ans. Là, on est heureux, là, ça va bien, mais c'est un autre qui va être usé. C'est une belle surprise. J'en conviens cette année, mais je suis pas sûr que ça va se tenir. Cette année, si bol, 20 buts cette année, je m'attendais jamais à ça de Byron. C'est une très, très belle surprise. Mais 3 ans, c'était beaucoup trop long. Ensuite, Jeff Petrie à 5,5 millions de dollars. Ah, ça, c'est un très mauvais contrat. Alexis Méline, c'est un très mauvais contrat. Piquet Souben, c'est un mauvais contrat aussi. Parce qu'il a forcé le bridge, qui savait très bien que le gars était bon, puis qu'il allait être encore meilleur à la fin de son contrat bridge. Il est obligé de le payer 9 millions de dollars et de s'en débarrasser. Puis il s'en est débarrassé contre un défenseur plus vieux, avec plus longtemps de contrat. Imagine si Souben avait eu un salaire adéquat contre quoi qu'on aurait pu l'échanger. Ça aurait pu être encore mieux que chez Weber. Sauf qu'il joue un jeu plus safe. C'est pas une question de comment est-ce qu'il performe en ce moment. C'est une question de la big picture de la patente. Ouais, mais il peut peut-être... En tout cas, moi, je pense pas qu'il va rester avec Montréal tout ce temps-là. On va peut-être finir par l'échanger. Mais je pense que Weber, à long terme, malgré tout, va peut-être être meilleur que Souben. On disait ça sur le dernier show. C'est Vlasic qui a dit en entrevue, chez Weber, il va être bon pour encore 6 ans. Le problème, c'est qu'il reste 9 ans de contrat. C'est le fun à savoir. Ah, mais c'est ça, mais 6 ans, c'est dans la fenêtre du Canadien, c'est parfait. Parce que c'est on voit la fameuse fenêtre que tout le monde parle. où est-ce qu'il y a plein de trous, il y a de l'eau qui rentre, puis que est zéro étage. Non, désolé. Mais non, mais non, c'est parfait parce que Weber, c'est un gars qui joue un hockey safe, il est clean, il performe quelque performe, mais tu sais, en ce moment, c'est parce que tout le monde est dessus lui. Faut juste qu'il trouve un autre. Tu sais, Beaulieu, là, peut être le meilleur défenseur à jouer avec Weber s'il joue son calice de hockey. Puis en ce moment, Beaulieu, encore une fois, n'a pas offert une bonne saison pour le Canadien de Montréal. Bon, t'es un autre qui chiale sur Beaulieu. C'est quoi cette vendetta-là? Je chiale pas sur Beaulieu en tant que tel. Je chiale que Beaulieu ne joue pas à ses performances qu'il est censé te donner. Il a une des meilleures saisons qu'il a eues de sa vie, mais il est capable de plus. Ce gars-là, il est comme borné sur ses émotions. Comme là, en ce moment, là, hier, là, il a donné un des meilleurs hockey qu'il a jamais joué. Parce qu'il est en crise contre Julien, parce qu'il l'a mis en haut. Tu sais, quand t'es rendu qu'il faut que tu fasses un joueur, il a quel âge? Là? Il a quoi, 24 ans? Ouais, il a 24 ans. C'est, quand t'es rendu, faut-tu faire ça à un doute de 24 ans? À Cibon, okay, j'ai du monde dans mon podcast qui ont cet âge-là que je suis pas obligé d'être dissimulé. Ils sont pas immatures, là. Mais ils sont pas millionnaires depuis qu'ils ont 20 ans, là. Mais je sais, genre, c'est des bébés gars. Ils ne prévèlent pas en jet pour aller fêter pour la fête à Galchenyuk. Ça, je le sais. Mais tu sais, moi aussi, je comprends avoir de l'argent, je serais prêt. Mais lui, mec, il mûrisse, là, vraiment, là, mec, il pense à jouer à son hockey puis d'être plus professionnel. Lui, il est en crise parce que Therrien commençait à l'aimer. Puis lui pis Therrien, il s'entendait mieux. Là, il faut qu'il recommence. Fait que c'est pour ça qu'il est en crise, c'est pour ça qu'il jouait comme un estipien dans les premiers temps. Puis là, il veut montrer à Claude Julien qu'il veut jouer, mais il fallait ça, genre, il fallait que tu le colliques en haut pour qu'il fasse ça. Tu sais, Emeline, il est en crise d'avoir été en haut, mais Emeline joue vraiment comme un estipien en ce moment. Tu sais, fait qu'il... T'sais, genre, je le comprends, là, de faire la rotation. Il y a trop de défenseurs. Émilie a 4 fois le salaire de Beaulieu. Est-ce qu'Émilie est 4 fois meilleure? Non, vraiment pas. Émilie, là, pour vrai, quand il a signé ce contrat-là, j'ai fait comme, tu le signes parce qu'il frappe? C'est je comprenais pas. T'sais, au début de l'année, avec Weber, il était magique. Mais tu mets n'importe qui avec Weber, ça va être magique, là. Moi, je pense qu'on n'a pas donné la chance à Beaulieu comme il le méritait. Non, mais là, il va l'avoir, là. Parce que là, il a donné la meilleure hockey, puis là, il va se faire mettre encore avec Beaulieu. Check bien ça, prochain match, là. Beaulieu puis Weber sont ensemble, pas mal sûr. OK, j'ai une petite question quiz pour toi. Vas-y. Brendan Davidson, t'en penses quoi? C'est un beau potentiel, c'est-tu... C'est qui, lui? Ben, c'est le nouveau défenseur qui vient d'Edmonton, là. Justement, c'est qui, lui? Non, non, mais y a-tu un beau potentiel, ce gars-là, hein? Non, pas en ce moment, pas qu'est-ce qu'il joue. Il serait censé, selon les... Tu sais, lui, puis celui qu'on est allé chercher avec l'Avalanche... Mathenson. Mathenson, ce gars-là, là, il paraît qu'il a des mains de fou, OK? Puis là, en ce moment, il est tellement pas habitué au hockey nord-américain qu'il est pas capable de suivre le jeu. Tu sais, c'est une des... il faudrait qu'il retourne dans un club-école. Qu'elle travaille justement sur des facettes du jeu qu'il connaît moins. Parce que il paraît, là, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais c'est Alex Tanguay qui disait ça, là, comme quoi c'est un des gars avec les plus meilleures mains qu'il a vu de sa vie. Mais j'ai hâte de voir ça, mais c'est pas OK, t'étais censé tomber dans le panneau puis dire que Davidson a un beau potentiel. La réponse que je t'aurais donnée, c'est qu'il a 4 points en carrière en 60-quelques matchs et il a 25 ans, Beaulieu en a 24. Mettons Beaulieu, je fais le même exercice que j'ai fait tantôt avec Jonathan Drouin puis Alex Gachenok, OK? Nathan Beaulieu a été repêché en 2011 au 17e rang, OK? Il a 216 matchs de jouer, 57 points. Il a 24 ans cette année. Si on compare dans les autres joueurs qui ont été repêchés à son année de draft en défense, en arrière de lui, aujourd'hui, là, il y a à peu près juste Oscar Klefbom, qui est un défenseur qui est à Edmonton, qui pourrait venir compétitionner. Il y a presque 40 matchs de moins de jouer dans la Ligue nationale. Après ça, il n'y en a pas d'autres des défenseurs. Donc, si tu voulais un défenseur au 17e rang, le meilleur joueur disponible était Nathan Beaulieu. Dans cette cuvée-là, devant lui, t'as Jamie Oleksiak qui peine, c'est un Tino Eddy 2.0. T'as Ryan Murphy, t'as Duncan Simmons, Dougie Hamilton, t'as Adam Larson. Okay? Donc, dans cette année-là de repêchage, dans les joueurs en défense que j'aurais sélectionné avant Larson, Beaulieu, t'as Larson, t'as Hamilton, puis peut-être Klefbom, Brodin, puis Klefbom, si tu veux y tirer. Donc, Nathan Beaulieu, dans son année de repêchage, est le 4e, voire 5e meilleur défenseur. Est-ce que c'est un mauvais choix? Loin de là. À 24 ans dans la Ligue nationale, Alexis Emelin avait 4 points, moins 7 à la fin de la saison. Cette année, à 30 ans, il a joué le 3/4 de la saison comme 2e défenseur avec Shea Weber. Est-ce que c'est le temps de jeter l'éponge pour Nathan Beaulieu puis dire que c'est un flop? Parce que oui, j'ai lu du monde dire « Hey, Nathan Beaulieu, c'est un flop. » Quoi? Le 5e meilleur défenseur de sa cuvée à 24 ans en avance sur ce que tu donnes à Emeline comme performance, comme capacité, puis surtout comme salaire. Tu dis que Beaulieu, c'est un flop? Come on, là! Calmez-vous les ardeurs, là. Lâchez la vendetta sur Beaulieu. Oui, OK, il est peut-être pas le plus assidu. Oui, c'est peut-être un peu une tête folle. Il est peut-être plus sur le party que d'autres. Mais il est loin d'être l'un des pires qu'on a vu chez le Canadien de Montréal dans les dernières années, là. Loin, loin, loin pour côté party. Son voyage en Floride que tu disais, on a vu plein de monde prendre des photos alentour avec de la boisson. Jamais lui. Puis Nathan Beaulieu puis Alex Gachenok. Jamais ces deux-là se sont fait prendre en photo avec de l'alcool. Peut-être qu'ils ont fait le party il y avait une semaine. Ah, je sais. J'espère qu'ils ont pris un break et qu'ils avaient le droit, là. Moi, je pense juste que le problème de Nathan Beaulieu, c'est pas au point de vue hockey, c'est au point de vue, justement, faut qu'il mûrisse au niveau de son jeu. Parce que le gars, là, c'est pas pour rien qu'on a choisi lui puis qu'on a laissé partir Tino Eddy, justement. Mais donnons-y vraiment une chance. On lui a donné combien de matchs en début de saison avec Weber? C'est ça. L'affaire, c'est que je pense que ce qui arrive, c'est le problème au niveau de la chambre, au niveau du coach, c'est que son attitude doit être vraiment négative. Il doit être arrogant comme gars. Tu sais, il y a une phase de gars arrogant. Chris, il s'est battu dans un bar avec son père. Genre, son père, il l'a aidé à battre un... Tu sais, pour qu'il y ait un doute, ton père se batte avec toi dans un bar, c'est que vous avez une attitude de merde à quelque part. Il doit avoir quelque chose. Ça a changé peut-être depuis ce temps-là, là. Son père, il a quel âge? Il s'est battu dans un bar. T'sais, c'est génétique. Là. Faut pas t'oublier les génétiques. Génétique. Moi, j'ai une granule, mon père, il a une granule. C'est génétique. T'sais, c'est tous des détails comme ça. Fait que moi, mis à part ça, je suis sûr que dans quelques... Tu sais, même l'année prochaine, tu sais, tout dépendant de ce qui va arriver dans les séries, je te jure, le prochain match, là, Beaulieu est avec Weber, ils vont jouer une crise de game. Ça va être débile, Weber, c'est le gars qu'il faut à Beaulieu. T'as pas le choix, le gars, il est sensible, ben pas sensible, je veux dire, il est... tu sais, il est c'est un gars calme. C'est ça, il est calme, il a un leadership, il va genre, Beaulieu va dire, toi, tu fais ta job. Puis t'as le goût de faire ta job avec Weber, parce que si tu le fais chier, je suis sûr que tu manges une claque. Tu sais, c'est... Il semble que c'est comme le grand frère de la gang que t'écœures pas. Tu sais, tu fais pas mais chier. J'espère que non. Cas, c'est ça, tu le fais pas chier. Mais, tu sais, comme je te le disais, j'en venais à ton affaire, puis à répondre encore à ta question, c'est qui ça, Davidson? Ben là, écoute, fouille dans le line-up. C'est ça. C'est moi, pour vrai, là, quand il a dit... Moi, la seule chose que j'ai entendue, c'est... On a échangé des harnais à Edmonton. Puis on dit Davidson, j'ai fait « What the fuck is that? » C'est comme... Ce gars-là, je pense plus, c'est comme pour laisser des harnais partir puis jouer au hockey. Ouais, je pense que c'est une transaction pour ça. Si, tu sais, je continue dans mes analogies par rapport à Beaulieu, il est au 5e rang chez le Canadien de Montréal pour le plus de points en avantage numérique. C'est une affaire qui marche pas bien chez le Canadien, c'est bien ça. Pourtant, on le bench plus souvent qu'autrement, Nathan Beaulieu. Dans la Ligue nationale, il est au 46e rang chez les défenseurs pour le différentiel avec un plus 8 et 57e rang pour les points produits. Et là, pour les points produits, là, il est devant Zdeno Chara, il est devant Vlasic, il est devant Vatanen, Ekblad, Boychuk, name it, là. Il y a plein de défenseurs qui ont moins de points que Beaulieu. Et un différentiel qui peut être moins bon. Là. Ekblad est à moins 22. Là. Fait que est-ce que Beaulieu mérite tant que ça d'être benché aussi régulièrement? Moi, je pense qu'il y a une vendetta. C'est un kid et on lui permet pas mal moins d'erreurs qu'on est capable d'en permettre à Emeline. Et j'en ai pas mal... Je suis pas mal tanné de ça là, chez le Canadien de Montréal. Comment est-ce que les vétérans se font donner des petits cadeaux? Tu sais, quand tu dis hey, ça va au mérite, là, ça va pas au mérite du tout chez le Canadien de Montréal. Il suffit de regarder comment est-ce qu'on utilise Plekanec match après match après match après match, alors qu'il a une saison horrible. Autant en attaque que défensivement. Ouais. Non, non, ça je suis d'accord. Mais comme je te dis aussi, on n'est pas dans la chambre, hein. On sait pas ce qui se passe. Puis tu sais, en même temps, tu sais, c'est comme je te dirais, dans ton équipe, là, mettons, moi, toi et Jerry, on est tout le temps ensemble, tout le temps, OK? Puis moi, je suis le gars fatigant, qui arrête pas de chialer, qui arrête pas de faire des niaiseries, pis tout ça. Puis toi et Jerry, vous êtes super structurés, vous êtes toutes vos affaires. Puis moi, j'arrive jamais préparé, des trucs comme ça. Je m'en calisse, j'ai les dieux geeks de mon bord. Tu sais, t'aurais le goût de me bencher, même si c'est moi qui rapporte un peu le gros audience, pis des trucs comme ça, là. J'essaierai de te passer le message. Mais c'est ça. Mais tu sais, quand le message passe pas, c'est ça l'affaire. C'est t'es ça encore jeune, ça, tu vas grandir. Exactement. C'est ce que je suis en train de dire. Et c'est pour ça qu'il garde, puis garde, va-t'en haut, t'as pas compris encore, regarde la game d'en bas. J'ai rien à apprendre. Est-ce-tu de réponse de cave? Tu sais, c'est comme, ouais, je viens de me faire bencher, je suis pas en cave, je m'allais tirer un esti de call de cave. Tu sais, il a rejoué sa game, puis il a montré qu'il était capable de la jouer. Sauf que moi, tant qu'à moi, c'est quand même hey, le gros, man, ferme ta gueule. Mais je suis sûr que ça les fait dire, hey, c'est un peu un call de trop. Là. Je suis sûr que les joueurs, je suis sûr que Pacioretty est allé voir, hey, c'est un call de trop que t'as fait. Là. Le gros, man, réveille. Là. C'est pas juste au coach à le dire. Là. C'est le leadership dans la chambre. Je parle de Weber, je parle de Pacioretty, puis je vais essayer de parler de Plekanec. J'ai dit, j'ai essayé. C'est ça. Tout à fait d'accord. As-tu un autre sujet? Parce qu'on pourrait passer aux questions du public pour finir le show. Ah, on va passer aux questions du public. Ben, c'est l'autre sujet, ça va durer trop longtemps. On fera ça une autre fois au pays. Parfait. Questions du public. On a Jonathan Morin qui nous demande, avec le surplus de joueurs dans l'alignement, est-ce que vous êtes pour ou contre une rotation, même pour les meilleurs joueurs avec l'arrivée des séries? Puis je suppose que là, il parle de reposer certains éléments, dont les plus vieux, parce qu'il met en parenthèse les noms de Weber et de Markov. Ben, une rotation, ça permet de voir quand même d'autres choses. T'sais, ça permet de faire jouer à des joueurs que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué, de reposer des joueurs que garde. Même Pacho, il en a peut-être besoin d'un petit break. Radulov, en ce moment, son esti de virus, pour vrai, ça paraît sans glace. Son coup de patin il est beaucoup moins fluide. Je pense qu'ils ont tous besoin d'un petit break à quelque part, même s'ils en ont eu une d'une semaine. Ouais, moi, la rotation, je suis d'accord. Écoute, les Bruins de Boston ont 8 points de moins que le Canadien de Montréal, puis il reste 10 matchs pour le Canadien et 11 pour Boston. Les probabilités qu'ils devancent, puis que les sénateurs aussi les devancent. Puis là, ben, tu sais, tu vois là, que ça escalade jusqu'à ce que le Canadien se fasse sortir des séries. Moi, je pense que c'est assez minime. Moi, dans ma tête à moi, là, les 5 derniers matchs, je ne ferais pas jouer Weber ni Markov. Particulièrement eux autres, qui vont bénéficier énormément de ce genre de pause-là avant le début des séries. Je ferais ça aussi pour certains attaquants, là, peut-être plus en parcimonie, parce qu'il y a beaucoup d'instinct, il y a beaucoup de... Quand t'es hot, là, c'est là que ça se passe chez les attaquants. Puis tu sais, tu joues moins de minutes par match, mais pour les défenseurs, particulièrement Weber et Markov, moi, je serais pour. Ça serait très drastique. C'est pas le genre du Canadien de Montréal de faire ça, mais je le ferais. Même chose pour Carey Price, pas plus qu'un match sur deux d'ici la fin de la saison. Question de le garder hot, là, mais de pas le brûler, tu sais. Puis après ça, en playoff, on est parti. Même si je considère que le Canadien a aucune chance pour la Coupe Stanley, au moins prolonger le parcours en série et faire de l'argent à Jeff Molson. On a une belle série, pareil. On a de belles séries. Ensuite, Alexis Détremblay qui nous demande nos prédictions d'ici la fin de la saison régulière. Ben, comme on disait, le Canadien a toutes les probabilités du monde de faire les playoffs. Donc, pour ce qui est des victoires, des défaites, je veux pas m'avancer. Pour moi, à ce moment-ci, ça importe peu. Là. Ouais, ben, je te dis, si. Je vais être le premier surpris s'ils perdent toutes, premièrement. Parce que c'est une des seules raisons comme quoi qu'ils pourraient ne pas faire les séries. C'est des pertes toutes, mais ça arrivera pas. Ils ont beaucoup trop d'honneur pour ça. Puis avec qu'est-ce qu'ils ont montré en fin de semaine, c'était deux matchs très importants. C'était il y a les fameux matchs à 4 points qu'ils appellent. C'était moi pour vrai, c'est une des meilleures. Dans les meilleurs matchs que j'ai vus, celui de samedi, c'était fou braque. Fait que. Non, il n'y a pas de. C'est sûr qu'ils font une série. Fait que moi non plus, je veux pas m'avancer sur le nombre de victoires. Mais si on s'avance, il reste quoi? 11 games? Il reste 10 games pour le Canadien. 10 games. Tant que j'y vais avec 7 victoires, 3 défaites. Ça serait, question de momentum, ça serait bon. Ça serait un petit peu moins bon qu'en ce moment. Le Canadien est 8-2-0 dans les 10 dernières. Mais t'sais, rien d'inquiétant. Là. C'est tant que c'est 500, moi, je pense que le Canadien peut être satisfait puis n'aura pas peur pour sa place en playoff. Et en terminant, il y a Dave Renault. On revient sur les médias. Il nous demande, Dave Morissette, selon vous, a-t-il sa place dans les médias? Ben, il est drôle. Mais j'écoute pas TVA Sport, fait que je m'en calisse. Ouais, même chose. Moi, j'ai pas le câble, fait que je règle le problème bien facilement. Par contre, je te dirais, Dave Morissette a autant sa place sur un line-up de couverture d'un match canadien de Montréal qu'une pom-pom girl là sur un match de football de la NFL. Ça donne un bon show, mais ça a aucun impact sur la game. Fait que c'est pas mal ça. Là. C'est un beau petit cossin qui fait des belles petites jokes. Il est funny, puis la vie est belle. Là. C'est ça. C'est Gaston Therrien, puis mon autre préféré de... Brisebois? Non, pas Brisebois. Brisebois, ces deux-là, là, non, les autres méritent vraiment pas. Gaston Therrien, il a quand même travaillé dans les médias pas mal longtemps. Il mérite, il est juste cave, mais il mérite d'être là, il a travaillé longtemps. Ah, mais l'autre... Il est même trop là, souvent. Là. C'est le Richard Martineau des sports. Oh, man. Tu viens de pas parler de Richard Martineau pour vrai. Là. Je pense que c'est la meilleure comparaison. C'est le Richard Martineau des sports. Dans ma bouche. Il est brûlé. Il est trop là souvent. Ça n'a plus de bon sens. Ouais. Il est même plus cohérent. Il dit « Moi, je l'ai tout le temps dit. » Puis 8 minutes après, il dit exactement l'inverse. Hein. Mais c'est comme tantôt. Là. Il a dit quoi? Il a parlé des gangs du Canadien. Hein. Puis là, j'étais comme « Ok, je vais essayer de l'écouter. » Tout le monde dit « Aïe, ben, tu sais, tu l'as écouté le match toi en fin de semaine. » Ouais. Ben, j'ai écouté les deux. C'était des matchs, là. C'était des fucking matchs, là. Ça joue, le samedi, là, ça jouait du ball comme l'autre. Là. Ottawa ont donné du Christy de bon hockey. Montréal, même affaire, c'était intense, là. T'sais, ils ont eu des petits ajustements d'un bord puis de l'autre qui devraient se faire, mais c'était fou braque. Monsieur Therrien arrive. En tout cas, moi, Canadien, ils m'ont donné ce que je m'attendais, ce qu'ils me donnent. J'étais déçu des sénateurs qui ont vraiment pas performé. Fuck you, man! Mange la marde, OK? Toi, t'as blasté le Canadien, tu dis qu'il est bas depuis... À chaque fois qu'il y a une base, le Canadien joue pas bien. La minute qu'il joue une calisse de game, ben, ils ont joué le game que je pensais qu'il allait jouer. Va chier, man! Fait que c'est ça. Je suis fâché, je m'excuse. Morale de l'histoire, Dave... On s'en sac. Ah, donc, mais Dave Morissette qui est correct. Moi, je m'en sac. Fait que voilà, c'est ce qui fait le tour pour le show de cette semaine de la POC. Frank, dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver sur le web. Et, c'est différent projet. la petite barre de recherche, les dieux geeks, pas de S, on se demandait pourquoi tantôt j'ai expliqué une affaire de français, c'est même bizarre, là. Fait que les dieux geeks, vous trouvez ça, on a un petit logo ben le fun, vous allez liker la page, vous pouvez la partager, on parle de trucs d'actualité geek, on a des sujets à chaque semaine, on déborde beaucoup, comme vous avez pu constater, moi aussi ici, j'ai débordé beaucoup. Vous criez la pop culture, super bien. Ouais, c'est et très trash. Le terme. Ouais, on crie, on trash beaucoup. C'est bien le fun, on a bien du plaisir. On a une page YouTube aussi, on est sur iTunes, Google Play, tous les logiciels de podcast, on a un lien RSS, tu peux trouver ça là-dessus. Puis il y a plein de projets qui s'en viennent. On va être aussi au Geek Culture Nanaudière, un festival de geeks, de trucs, une sorte de mini-convention Comic-Con. Là, ça se passe comme à Nanaudière, là? Ça se passe à Répand. À Repentigny. Nice. Au centre récréatif de Repentigny le 10 et 11 juin. On s'en va faire là le dimanche matin. Ben, dimanche matin. De 10 à 11, on s'en va faire un podcast live. Vous allez sûrement... aller crier en public votre pop culture? Non, on va se censurer. Ah, ouais? Ouais, parce qu'il va y avoir des familles, tout ça. On va faire un podcast soft, cette shot-là. Allez-vous être capable? On va essayer fort. Il va peut-être avoir des petits... T'sais, bref, on va être PG-13 avec... on a le droit à un fuck. Quand tu parlais dans ton autre podcast, La réalité augmentée. Ouais. C'est ça. On va avoir le droit à un fuck sûrement, puis on va faire attention. Puis aussi, organisation d'événements, il y a la soirée du podcast québécois, le soirée réseautage podcast québécois, le 4 avril au Arcade Montréal, pour ceux qui font du podcast, qui veulent venir présenter leur projet, ou pour ceux qui sont intéressés à parler puis à discuter avec certaines personnes du podcast québécois. Puis on va être là. Yes. Moi, de mon bord, @gangj_b sur Twitter, je vais gagner sur Facebook. La POC, nous avons notre page Facebook sur laquelle vous êtes de plus en plus nombreux à venir commenter. On aime ça. Les passes à la palette, c'est toujours le fun. Vos discussions, je le dis tout le temps, là. Tant que c'est dans le respect, tant que c'est dans le fun, tant que c'est pas dans le personnel sur une personne, la vie est belle. Venez discuter. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même opinion que nous autres. On aime ça. Parler, jaser de hockey. Puis après tout, ben, ça reste juste divertissement. Calme-toi, les petits nerfs. Sinon, mes autres projets, la réalité augmentée, show sur tout ce qui est geek, jeux vidéo, cinéma en particulier, et parfois un petit peu des technos à d'autres niveaux. Donc voilà, c'est mes différents projets. Cherchez sur Twitter, @lapocpodcast, ou le Facebook pour l'APOC. Venez nous jaser, c'est toujours extrêmement apprécié. Je prends quelques instants pour te remercier, Frank, d'être venu en relève de Jerry. On était censé faire ça à trois, et malgré l'absence de mon comparse de toujours, t'as tenu le fort, t'as été un invité exemplaire, et c'est pas la dernière fois qu'on se jase de hockey. Ah ben merci bien, man. C'était le fun. À vous les auditeurs, je vous remercie aussi d'avoir été du rendez-vous, et je vous dis à la prochaine fois dans un autre podcast de la POC. Bye bye!